Guy de Maupassant, au soleil. Au soleil. La vie si courte, si longue, devient parfois insupportable. Elle se déroule, toujours pareille, avec la mort au bout. On ne peut ni l'arrêter, ni la changer, ni la comprendre. Et souvent, une révolte indignée vous saisit devant l'impuissance de notre effort. Quoi que nous fassions, nous mourrons. Quoi que nous croyions, quoi que nous pensions, quoi que nous tentions, nous mourrons. Et il semble qu'on va mourir demain sans rien connaître encore, bien que dégoûté de tout ce qu'on connaît. Alors, on se sent écrasé sous le sentiment de l'éternelle misère de tout, de l'impuissance humaine et de la monotonie des actions. On se lève, on marche, on s'accoude à sa fenêtre. Des gens en face déjeunent, comme ils déjeunaient hier, comme ils déjeuneront demain. Le père, la mère, 4 enfants. Voici 3 ans, la grand-mère était encore là. Elle n'y est plus. Le père a bien changé depuis que nous sommes voisins. Il ne s'en aperçoit pas. Il semble content. Il semble heureux. Imbécile. Il parle d'un mariage, puis d'un décès, puis de leur poulet qui est tendre, puis de leur bonne qui n'est pas honnête. Il s'inquiète de 1000 choses inutiles et sottes. Imbécile. La vue de leur appartement qu'ils habitent depuis 18 ans m'emplit de dégoût et d'indignation. C'est cela, la vie. 4 murs, 2 portes, 1 fenêtre, 1 lit, 2 chaises, 1 table, voilà. Prison, prison. Tout logis qu'on habite longtemps devient prison. Oh, fuir, partir, fuir les lieux connus, les hommes, les mouvements pareils aux mêmes heures, et les mêmes pensées surtout. Quand on est là, là à pleurer du matin au soir, là à ne plus avoir la force de se lever pour boire un verre d'eau, là des visages amis vus trop souvent et devenus irritants, des odieux et placides voisins, des choses familières et monotones, de sa maison, de sa rue, de sa bonne qui vient dire « Que désire monsieur pour son dîner ?» et qui s'en va en relevant à chaque pas d'un ignoble coup de talon le bord effiloqué de sa jupe sale. Là, de son chien trop fidèle, des tâches immuables des tentures, de la régularité des repas, du sommeil dans le même lit, de chaque action répétée chaque jour, là, de soi-même, de sa propre voix, des choses qu'on répète sans cesse, du cercle étroit de ses idées, là de sa figure vue dans la glace, des mines qu'on fait en se rasant, en se peignant. Il faut partir, entrer dans une vie nouvelle et changeante. Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité connue pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Une gare, un port, un train qui siffle et crache son premier jet de vapeur, un grand navire passant dans les jetées, lentement, mais dont le ventre halète d'impatience et qui va fuir là-bas, à l'horizon, vers des pays nouveaux. Qui peut voir cela sans frémir d'envie, sans sentir s'éveiller dans son âme le frissonnant désir des longs voyages? On rêve toujours d'un pays préféré, l'un de la Suède, l'autre des Indes, celui-ci de la Grèce et celui-là du Japon. Moi, je me sentais attirée vers l'Afrique par un impérieux besoin, par la nostalgie du désert ignoré, comme par le pressentiment d'une passion qui va naître. Je quittais Paris le 6 juillet 1881. Je voulais voir cette terre du soleil et du sable, en plein été, sous la pesante chaleur, dans l'éblouissement furieux de la lumière. Tout le monde connaît la magnifique pièce de vers du grand poète le comte de Lille. Midi,

et mille autres choses. Le capitaine du bâtiment laisse entendre avec esprit qu'un marin ferait bien mieux l'affaire, l'Algérie n'étant abordable que par la mer. Les deux bourgeois signalent les fautes grossières du gouverneur, et chacun rit, s'étonnant qu'on puisse être aussi maladroit. Puis on remonte sur le pont. Rien que la mer calme, sans un frisson, et dorée par la lune. Le lourd bateau paraît glisser dessus, laissant derrière lui un long sillage bouillonnant, où l'eau battue semble du feu liquide. Le ciel s'étale sur nos têtes, d'un noir bleuâtre, ensemencé d'astres que voilent par instants l'énorme panache de fumée vomi par la cheminée. Et le petit fanal en haut du mât a l'air d'une grosse étoile se promenant parmi les autres. On n'entend rien que le ronflement de l'hélice dans les profondeurs du navire. Quelles sont charmantes les heures tranquilles du soir sur le pont d'un bâtiment qui fuit. Toute la journée du lendemain, on pense, étendu sous la tente, avec l'océan de tous les côtés. Puis la nuit revient et le jour reparaît. On a dormi dans l'étroite cabine sur la couchette en forme de cercueil. Debout, il est 4 heures du matin. Quel réveil ! Une longue côte, et là-bas, en face, une tache blanche qui grandit. Alger. Alger. Féerie inespérée et qui ravit l'esprit. Alger a passé mes attentes. Quelle est jolie ! La ville de neige sous l'éblouissante lumière. Une immense terrasse longe le port, soutenue par des arcades élégantes. Au-dessus s'élèvent de grands hôtels européens et le quartier français. Au-dessus encore s'échelonne la ville arabe, amoncellement de petites maisons blanches, bizarres, enchevêtrées les unes dans les autres, séparées par des rues qui ressemblent à des souterrains clairs. L'étage supérieur est supporté par des suites de bâtons peints en blanc. Les toits se touchent. Il y a des descentes brusques en des trous habités, des escaliers mystérieux vers des demeures qui semblent des terriers pleins de grouillantes familles arabes. Une femme passe, grave et voilée, les chevilles nues, des chevilles peu troublantes, noires des poussières accumulées sur les sueurs. De la pointe de la jetée, le coup d'œil sur la ville est merveilleux. On regarde, extasié, cette cascade éclatante de maisons dégringolant les unes sur les autres du haut de la montagne jusqu'à la mer. On dirait une écume de torrent, une écume d'une blancheur folle. Et de place en place, comme un bouillonnement plus gros, une mosquée éclatante luit sous le soleil. Partout grouille une population stupéfiante. Des gueux innombrables, vêtus d'une simple chemise, ou de deux tapis cousus en forme de chasuble, ou d'un vieux sac percé de trous pour la tête et les bras. Toujours nues jambes et nus pieds, vont, viennent, s'injurient, se battent, vermineux, loqueteux, barbouillés d'ordures et puant la bête. Tartarin dirait qu'ils sentent le « teur » turc, et on sent le « teur » partout ici. Puis il y a tout un monde de mioches à la peau noire, métisses de kabyles, d'arabes, de nègres et de blancs, fourmilières de cireurs de bottes, harcelants comme des mouches, cabriolants et hardis, vicieux à 3 ans, malins comme des singes, qui vous injurient en arabe et vous poursuivent en français de leur éternel « Sieyez, monsieur !» Ils vous tutoient et on les tutoie. Tout le monde ici, d'ailleurs, se dit « tu ». Le cocher qu'on arrête dans la rue vous demande « Où je mènerai toi ?» Je signale cet usage aux cochers parisiens qui sont dépassés en familiarité. J'ai vu, le jour même de mon arrivée, un petit fait sans importance et qui pourtant résume à peu près l'histoire de l'Algérie et de la colonisation. Comme j'étais assis devant un café, un jeune moricaud s'empara de force de mes pieds et se mit à les cirer avec une énergie furieuse. Après qu'il eut frotté pendant un quart d'heure et rendu le cuir de mes bottines plus luisant qu'une glace, je lui donnai 2 sous. Il prononça « Merci, monsieur !» mais ne se releva pas. Il restait accroupi entre mes jambes, tout à fait immobile, roulant des yeux comme s'il se fût trouvé malade. Je lui dis « Va-t'en donc, Arbicot !» Il ne répondit point, ne remua pas, puis, tout à coup, saisissant à plein bras sa boîte de cirage, il s'enfuit de toute sa vitesse. Et j'aperçus un grand nègre de 16 ans qui se détachait d'une porte où il s'était caché et s'élançait sur mon cireur. En quelques bonds, il l'eut rejoint, puis il le gifla, le fouilla, lui arracha ses 2 sous qu'il engloutit dans sa poche et s'en alla tranquillement en riant, pendant que le misérable volé hurlait d'une épouvantable façon. J'étais indigné. Mon voisin de table, un officier d'Afrique, un ami, me dit « Laissez donc, c'est la hiérarchie qui s'établit. Tant qu'ils ne sont pas assez forts pour prendre les sous des autres, ils cirent. Mais dès qu'ils se sentent en état de rouler les plus petits, ils ne font plus rien. Ils guettent les cireurs et les dévalisent. » Puis mon compagnon ajouta en riant « Presque tout le monde en fait autant ici. » Le quartier européen d'Alger, joli de loin, a, vu de près, un aspect de ville neuve poussée sous un climat qui ne lui conviendrait point. En débarquant, une large enseigne vous tire l'œil, Skating Rink algérien. Et dès les premiers pas, on est saisi, gêné, par la sensation du progrès mal appliqué à ce pays, de la civilisation brutale, gauche, peu adaptée aux mœurs, au ciel et aux gens. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, brutes, il est vrai, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le sens. Napoléon III a dit un mot sage, peut-être soufflé par un ministre. Ce qu'il faut à l'Algérie, ce ne sont pas des conquérants, mais des initiateurs. Or, nous sommes restés des conquérants brutaux, maladroits, infatués de nos idées toutes faites. Nos mœurs imposées, nos maisons parisiennes, nos usages choquent sur ce sol comme des fautes grossières d'art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons semble un contresens, un défi à ce pays, non pas tant à ses habitants premiers qu'à la terre elle-même. J'ai vu, quelques jours après mon arrivée, un bal en plein air à Mustapha. C'était la fête de Neuilly. Des boutiques de pain d'épices, des tirs, des loteries, le jeu des poupées et des couteaux, des somnambules, des femmes silures, et des calicots dansant avec des demoiselles de magasin, les vraies quadrilles de Bullier. Tandis que derrière l'enceinte où l'on payait pour entrer, dans la plaine large et sablonneuse du champ de manœuvre, des centaines d'Arabes, couchés sous la lune, immobiles en leurs loques blanches, écoutaient, gravement, les refrains des chahuts sautés par les Français. La province d'Oran. Pour aller d'Alger à Oran, il faut 1 jour en chemin de fer. On traverse d'abord la plaine de la Mitidja, fertile, ombragée, peuplée. Voilà ce qu'on montre au nouvel arrivé pour lui prouver la fécondité de notre colonie. Certes, la Mitidja et la Kabylie sont 2 admirables pays. Or, la Kabylie est actuellement plus habitée que le Pas-de-Calais par kilomètre carré. La Mitidja le sera bientôt autant. Que veut-on coloniser par là? Mais je reviendrai sur ce sujet. Le train roule, avance. Les plaines cultivées disparaissent. La terre devient nue et rouge, la vraie terre d'Afrique. L'horizon s'élargit, un horizon stérile et brûlant. Nous suivons l'immense vallée du Chelif, enfermée en des montagnes désolées, grises et brûlées, sans un arbre, sans une herbe. De place en place, la ligne des monts s'abaisse, s'entr'ouvre, comme pour mieux montrer l'affreuse misère du sol dévoré par le soleil. Un espace démesuré s'étale, tout plat, borné là-bas, par la ligne presque invisible des hauteurs perdues dans une vapeur. Puis, sur les crêtes incultes, parfois de gros points blancs, tout ronds, apparaissent, comme des œufs énormes pondus là par des oiseaux géants. Ce sont des marabouts élevés à la gloire d'Allah. Dans la plaine jaune, interminable, quelquefois on aperçoit un bouquet d'arbres, des hommes debout, des Européens hâlés, de grande taille, qui regardent filer le convoi. Et tout près de là, des petites tentes, pareilles à de gros champignons, d'où sortent des soldats barbus. C'est un hameau d'agriculteurs protégé par un détachement de ligne. Puis, dans l'étendue de terre stérile et poudreuse, on distingue, si loin qu'on la voit à peine, une sorte de fumée, un nuage mince qui monte vers le ciel et semble courir sur le sol. C'est un cavalier qui soulève sous les pieds de son cheval la poussière fine et brûlante. Et chacune de ces nuées sur la plaine indique un homme dont on finit par distinguer le burnou clair, presque imperceptible. De temps en temps, des campements d'indigènes. On les découvre à peine, ces douars, auprès d'un torrent desséché où des enfants font paître quelques chèvres, quelques moutons ou quelques vaches. Paître semble infiniment dérisoire. Les huttes de toile brune, entourées de broussailles sèches, se confondent avec la couleur monotone de la terre. Sur le remblai de la ligne, un homme à la peau noire, à la jambe nue, nerveuse et sans mollet, enveloppé de haillons blanchâtres, contemple gravement la bête de fer qui roule devant lui. Plus loin, c'est une troupe de nomades en marche. La caravane s'avance dans la poussière, laissant un nuage derrière elle. Les femmes et les enfants sont montés sur des ânes ou de petits chevaux, et quelques cavaliers marchent gravement en tête, d'une allure infiniment noble. Et c'est ainsi toujours. Aux haltes du train, d'heure en heure, un village européen se montre. Quelques maisons pareilles à celles de Nanterre ou de Rueil, quelques arbres brûlés alentour, dont l'un porte des drapeaux tricolores, pour le 14 juillet. Puis un gendarme, grave, devant la porte de sortie, semblable aussi aux gendarmes de Rueil ou de Nanterre. La chaleur est intolérable. Tout objet de métal devient impossible à toucher, même dans le wagon. L'eau des gourdes brûle la bouche, et l'air qui s'engouffre par la portière semble soufflé par la gueule d'un four. À Orléansville, le thermomètre de la gare donne, à l'ombre, 49 degrés passés. On arrive à Oran pour dîner. Oran est une vraie ville d'Europe, commerçante, plus espagnole que française, et sans grand intérêt. On rencontre par les rues de belles filles aux yeux noirs, à la peau d'ivoire, aux dents claires. Quand il fait beau, on aperçoit, paraît-il, à l'horizon les côtes de l'Espagne, leur patrie. Dès qu'on a mis le pied sur cette terre africaine, un besoin singulier vous envahit, celui d'aller plus loin, au sud. J'ai donc pris, avec un billet pour Saïda, le petit chemin de fer à voie étroite qui grimpe sur les hauts plateaux. Autour de cette ville, rôde avec ses cavaliers l'insaisissable Bou Hammama. Après quelques heures de route, on atteint les premières pentes de l'Atlas. Le train monte, souffle, ne marche plus qu'à peine, serpente sur le flanc des côtes arides, passe auprès d'un lac immense formé par trois rivières que garde, amassé dans trois vallées, le fameux barrage de l'Abra. Un mur colossal, long de 500 mètres, contient, suspendus au-dessus d'une plaine démesurée, 14 millions de mètres cubes d'eau. Ce barrage s'est écroulé l'an suivant, noyant des centaines d'hommes, ruinant un pays entier. C'était au moment d'une grande souscription nationale pour des inondées hongroises ou espagnoles. Personne ne s'est occupé de ce désastre français. Puis nous passons par des défilés étroits entre deux montagnes, qu'on dirait incendiées depuis peu, tant elles ont la peau rouge et nue. Nous contournons des pics, nous filons le long des pentes, nous faisons des détours de 10 kilomètres pour éviter les obstacles, puis nous nous précipitons dans une plaine, à toute vitesse, en zigzaguant toujours un peu, comme par suite de l'habitude prise. Les wagons sont tout petits, la machine grosse comme celle d'un tramway. Elle semble parfois exténuée, râle, geint ou rage. Va si doucement qu'on la suivrait au pas, et tout à coup, elle repart avec furie. Toute la contrée est aride et désolée. Le roi d'Afrique, le soleil, le grand et féroce ravageur, a mangé la chair de ses vallons, ne laissant que la pierre et une poussière rouge où rien ne pourrait germer. Saïda, c'est une petite ville à la française qui ne semble habitée que par des généraux. Ils sont au moins 10 ou 12 et paraissent toujours en conciliabule. On a envie de leur crier « Où est aujourd'hui Bouhamama, mon général ?» La population civile n'a pour l'uniforme aucun respect. L'auberge du lieu laisse tout à désirer. Je me couche sur une paillasse, dans une chambre blanchie à la chaux. La chaleur est intolérable. Je ferme les yeux pour dormir. Hélas ! Ma fenêtre est ouverte, donnant sur une petite cour. J'entends aboyer des chiens. Ils sont loin, très loin, et jappent par saccades, comme s'ils se répondaient. Mais bientôt, ils approchent. Ils viennent. Ils sont là maintenant, contre les maisons, dans les vignes, dans les rues. Ils sont là, 500, 1000 peut-être, affamés, féroces, les chiens qui gardaient sur les hauts plateaux les campements des Espagnols. Leurs maîtres, tués ou partis, les bêtes ont rôdé, mourant de faim. Puis elles ont trouvé la ville, et elles la cernent, comme une armée. Le jour, elles dorment dans les ravins, sous les roches, dans les trous de la montagne. Et, sitôt la nuit tombée, elles gagnent Saïda pour chercher leur vie. Les hommes, qui rentrent tard chez eux, marchent le revolver au poing, suivis, flairés par 20 ou 30 chiens jaunes, pareils à des renards. Ils aboient à présent, d'une façon continue, effroyable, à rendre fou. Puis d'autres cris s'éveillent, des glapissements grêles. Ce sont les chacals qui arrivent, et parfois on n'entend plus qu'une voix plus forte et singulière, celle de l'hyène qui imite le chien pour l'attirer et le dévorer. Jusqu'au jour dure sans repos cet horrible vacarme. Saïda, avant l'occupation française, était protégée par une petite forteresse édifiée par Abdelkader. La ville nouvelle est dans un fond, entourée de hauteurs pelées. Une mince rivière, qu'on peut presque sauter à pieds joints, arrose les champs alentour où poussent de belles vignes. Vers le sud, les monts voisins ont l'aspect d'une muraille. Ce sont les derniers gradins conduisant au haut plateau. Sur la gauche se dresse un rocher d'un rouge ardent, haut d'une 50aine de mètres, et qui porte sur un sommet quelques maçonneries en ruine. C'est là tout ce qui reste de la Saïda d'Abdelkader. Ce rocher, vu de loin, semble adhérent à la montagne, mais si on l'escalade, on demeure saisi de surprise et d'admiration. Un ravin profond, creusé entre des murs tout droits, sépare l'ancienne redoute de l'émir de la côte voisine. Elle est, cette côte, en pierre de pourpre et entaillée par places, par des brèches où tombent les pluies d'hiver. Dans le ravin coule la rivière au milieu d'un bois de laurier rose. D'en haut, on dirait un tapis d'Orient étendu dans un corridor. La nappe de fleurs paraît ininterrompue, tachée seulement par le feuillage vert qui la perce par endroits. On descend en ce vallon par un sentier bon pour des chèvres. La rivière, fleuve là-bas, l'Oued Saïda, ruisseau pour nous, s'agite dans les pierres sous les grands arbustes épanouis, saute des rochers, écume, ondoie et murmure. L'eau est chaude, presque brûlante. D'énormes crabes courent sur les bords avec une singulière rapidité, les pinces levées en me voyant. De gros lézards verts disparaissent dans les feuillages. Parfois, un reptile glisse entre les cailloux. Le ravin se rétrécit comme s'il allait se refermer. Un grand bruit sur ma tête me fait tressaillir. Un aigle, surpris, s'envole de son repère, s'élève vers le ciel bleu, monte à coups d'ailes lents et forts, si large qu'il semble toucher aux deux murailles. Au bout d'une heure, on rejoint la route qui va vers Aïn el Hadjar en gravissant le mont Poudreux. Devant moi, une femme, une vieille femme en jupe noire, coiffée d'un bonnet blanc, chemine, courbée, un panier au bras gauche et tenant de l'autre, en manière d'ombrelle, un immense parapluie rouge. Une femme ici, une paysanne en cette morne contrée où l'on ne voit guère que la haute négresse cambrée, luisante, chamarrée d'étoffes jaunes, rouges ou bleues, et qui laisse sur son passage un fumet de chair humaine à tourner les cœurs les plus solides. La vieille, exténuée, s'assit dans la poussière, haletante sous la chaleur torride. Elle avait une face ridée par d'innombrables petits plis de peau comme ceux des étoffes qu'on fronce, un air là, accablé, désespéré. Je lui parlais. C'était une Alsacienne qu'on avait envoyée en ces pays désolés avec ses quatre fils après la guerre. Elle me dit « Vous venez de là-bas ?» Ce « là-bas » me serra le cœur. « Oui. » Et elle se mit à pleurer. Puis elle me conta son histoire, bien simple. On leur avait promis des terres. Ils étaient venus, la mère et les enfants. Maintenant, trois de ses fils étaient morts sous ce climat meurtrier. Il en restait un, malade aussi. Leur champ ne rapportait rien, bien que grand, car ils n'avaient pas une goutte d'eau. Elle répétait, la vieille, « De la cendre, monsieur, de la cendre brûlée. Il n'y vient pas un chou, pas un chou, pas un chou. » S'obstinant à cette idée de chou, qui devait représenter pour elle tout le bonheur terrestre. Je n'ai jamais rien vu de plus navrant que cette bonne femme d'Alsace jetée sur ce sol de feu où il ne pousse pas un chou. Comme elle devait souvent penser au pays perdu, au pays vert de sa jeunesse, la pauvre vieille. En me quittant, elle ajouta « Savez-vous si on donnera des terres en Tunisie ? On dit que c'est bon par là. » Ça vaudra toujours mieux qu'ici. Et puis, je pourrais peut-être y réchapper mon garçon. Tous nos colons installés au-delà du tel en pourraient dire à peu près autant. Un désir me tenait toujours, celui d'aller plus loin. Mais, tout le pays étant en guerre, je ne pouvais m'aventurer seul. Une occasion s'offrit, celle d'un train allant ravitailler les troupes campées le long des chottes. C'était par un jour de sirocco. Dès le matin, le vent du sud se leva, soufflant sur la terre ses haleines lentes, lourdes, dévorantes. À 7 heures, le petit convoi se mit en route, emportant 2 détachements d'infanterie avec leurs officiers, 3 wagons-citernes pleins d'eau et les ingénieurs de la compagnie, car depuis 3 semaines, aucun train n'était allé jusqu'aux extrêmes limites de la ligne, que les Arabes ont pu détruire. La machine, l'hyène, part bruyamment, s'avançant vers la montagne droite, comme si elle voulait pénétrer dedans. Puis soudain, elle fait une courbe, s'enfonce dans un étroit vallon, décrit un crochet, et revient passer à 50 mètres au-dessus de l'endroit où elle courait tout à l'heure. Elle tourne de nouveau, trace des circuits l'un sur l'autre, monte toujours en zigzag, déroulant un grand lacet qui gagne le sommet du mont. Voici de vastes bâtiments, des cheminées de fabrique, une sorte de petite ville abandonnée. Ce sont les magnifiques usines de la compagnie franco-algérienne. C'est là qu'on préparait l'Alpha avant le massacre des Espagnols. Ce lieu s'appelle Aïn El Hadjar. Nous montons encore. La locomotive souffle, râle, ralentit sa marche, s'arrête. 3 fois elle essaie de repartir. 3 fois elle demeure impuissante. Elle recule pour prendre de l'élan, mais reste encore sans force au milieu de la pente trop rude. Alors, les officiers font descendre les soldats, qui, égrenés le long du train, se mettent à pousser. Nous repartons lentement au pas d'un homme. On rit, on plaisante. Les lignards blaguent la machine. C'est fini. Nous voici sur les hauts plateaux. Le mécanicien, le corps penché en dehors, regarde sans cesse la voie qui peut être coupée. Et nous autres, nous inspectons l'horizon, très attentifs, en éveil dès qu'un filet de poussière semble indiquer au loin un cavalier encore invisible. Nous portons des fusils et des revolvers. Parfois, un chacal s'enfuit devant nous. Un énorme vautour s'envole, abandonnant la carcasse d'un chameau presque entièrement dépecé. Des poules de Carthage, très semblables à des perdrix, gagnent des touffes de palmiers nains. À la petite halte de Tafraoua, 2 compagnies de ligne sont campées. Ici, on a tué beaucoup d'Espagnols. À Krafala, c'est une compagnie de zouaves qui se fortifient à la hâte, édifiant leurs retranchements avec des rails, des poutres, des poteaux télégraphiques, des balles d'alpha, tout ce qu'on trouve. Nous déjeunons là. Et les 3 officiers, tous 3 jeunes et gais, le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant, nous offrent le café. Le train repart. Il court interminablement dans une plaine illimitée que les touffes d'alpha font ressembler à une mer calme. Le sirocco devient intolérable, nous jetant à la face l'air enflammé du désert. Et, parfois, à l'horizon, une forme vague apparaît. On dirait un lac, une île, des rochers dans l'eau. C'est le mirage. Sur un talus, voici des pierres brûlées et des ossements d'hommes, les restes d'un Espagnol. Puis d'autres chameaux morts, toujours dépecés par des vautours. On traverse une forêt. Quelle forêt ! Un océan de sable où des touffes rares de genévrier ressemblent à des plants de salade dans un potager gigantesque. Désormais, aucune verdure, sauf l'alpha, sorte de jonc d'un vert bleu qui pousse par touffes rondes et couvre le sol à perte de vue. Parfois, on croit voir un cavalier dans le lointain, mais il disparaît. On s'était peut-être trompé. Nous arrivons à l'Oued Fallet, au milieu d'une étendue toujours morne et déserte. Alors, je m'éloigne à pied avec 2 compagnons, vers le sud encore. Nous gravissons une colline basse sous une écrasante chaleur. Le sirocco charrie du feu. Il sèche la sueur sur le visage à mesure qu'elle apparaît, brûle les lèvres et les yeux, dessèche la gorge. Sous toutes les pierres, on trouve des scorpions. Autour du convoi arrêté, et qui a l'air de loin d'une grosse bête noire couchée sur la terre sèche, les soldats chargent les voitures envoyées du campement voisin. Puis ils s'éloignent dans la poussière, lentement, d'un pas accablé, sous l'écrasant soleil. On les voit longtemps, longtemps, s'en aller là-bas, sur la gauche. Puis on n'aperçoit plus que le nuage gris qu'ils soulèvent au-dessus d'eux. Nous restons à 6 maintenant auprès du train. On ne peut plus toucher à rien. Tout brûle. Les cuivres des wagons semblent rougis au feu. On pousse un cri si la main rencontre l'acier des armes. Voici quelques jours, la tribu des Rezaïna, tournant aux rebelles, traversa ce chott que nous n'avons pu atteindre, car l'heure nous force à revenir. La chaleur fut telle durant le passage de ce marais desséché que la tribu fugitive perdit tous ses bourricots de soif, et même 16 enfants, morts entre les bras de leur mère. La machine siffle. Nous quittons l'oued Falette. Un remarquable fait de guerre rendit alors ce lieu célèbre dans la contrée. Une colonne y était établie, gardée par un détachement du 15e de ligne. Or, une nuit, deux goumiers se présentent aux avant-postes, après 10 heures de cheval, apportant un ordre pressant du général commandant Assaïda. Selon l'usage, ils agitent une torche pour se faire reconnaître. La sentinelle, recrue arrivant de France, ignorant les coutumes et les règles du service en campagne dans le sud, et nullement prévenue par ses officiers, tire sur les courriers. Les pauvres diables avancent quand même. Le poste saisit les armes, les hommes prennent position, et une fusillade terrible commence. Après avoir essuyé 150 coups de fusil, les deux Arabes enfin se retirent. L'un d'eux avait une balle dans l'épaule. Le lendemain, ils rentraient au quartier général, rapportant leur dépêche. Bouamama. Bien malin celui qui dirait, même aujourd'hui, ce qu'était Bouamama. Cet insaisissable farceur, après avoir affolé notre armée d'Afrique, a disparu si complètement qu'on commence à supposer qu'il n'a jamais existé. Des officiers dignes de foi, qui croyaient le connaître, me l'ont décrit d'une certaine façon. Mais d'autres personnes non moins honnêtes, sûres de l'avoir vu, me l'ont dépeint d'une autre manière. Dans tous les cas, ce rôdeur n'a été que le chef d'une bande peu nombreuse, poussée sans doute à la révolte par la famine. Ces gens ne se sont battus que pour vider les silos ou piller des convois. Ils semblent n'avoir agi ni par haine, ni par fanatisme religieux, mais par faim. Notre système de colonisation, consistant à ruiner l'arabe, à le dépouiller sans repos, à le poursuivre sans merci et à le faire crever de misère, nous verrons encore d'autres insurrections. Une autre cause, peut-être, à cette campagne, est la présence sur les hauts plateaux des alfatiers espagnols. Dans cet océan d'alfa, dans cette morne étendue verdâtre, immobile sous le ciel incendié, vivait une vraie nation, des hordes d'hommes à la peau brune, aventuriers, que la misère ou d'autres raisons avaient chassés de leur patrie. Plus sauvages, plus redoutés que les Arabes, isolés ainsi, loin de toute ville, de toute loi, de toute force, ils ont fait, dit-on, ce que faisaient leurs ancêtres sur les terres nouvelles. Ils ont été violents, sanguinaires, terribles envers les habitants primitifs. La vengeance des Arabes fut épouvantable. Voici en quelques lignes l'origine apparente de l'insurrection. Deux marabouts prêchaient ouvertement la révolte dans une tribu du sud. Le lieutenant Weinbrenner fut envoyé avec la mission de s'emparer du caïd de cette tribu. L'officier français avait une escorte de 4 hommes. Il fut assassiné. On chargea le colonel Innocenti de venger cette mort et on lui envoya comme renfort l'aga de Saïda. Or, en route, le goum de l'aga de Saïda rencontra les trafis qui se rendaient également auprès du colonel Innocenti. Des querelles s'élevèrent entre les deux tribus. Les trafis firent défection et allèrent se mettre sous les ordres de Bouamama. C'est ici que se place l'affaire de Chelala, qui a été 100 fois racontée. Après le sac de son convoi, le colonel Innocenti, qui semble avoir été accusé bien légèrement par l'opinion publique, remonta à marche forcée vers le Creider, afin de refaire sa colonne, et laissa la route entièrement libre à son adversaire. Celui-ci en profita. Mentionnons un fait curieux. Le même jour, les dépêches officielles signalaient en même temps Bouamama sur 2 points distants l'un de l'autre de 150 kilomètres. Ce chef, profitant de l'entière liberté qu'on lui donnait, passa à 12 kilomètres de Chériville, tua en route le brigadier Bringeard, envoyé avec quelques hommes seulement en plein pays révolté pour établir les communications télégraphiques. Puis il remonta au nord. C'est alors qu'il traversa le territoire des Assassenas et des Harar, et qu'il donna vraisemblablement à ces deux tribus le mot d'ordre pour le massacre général des Espagnols, qu'elles devaient exécuter peu après. Enfin, il arriva à Aïn Ketifa, et 2 jours plus tard, il campait à Assitirsine, à 22 kilomètres seulement de Saïda. L'autorité militaire, inquiète, enfin, prévint le 10 juin au soir la compagnie franco-algérienne de faire rentrer tous ses agents, le pays n'étant pas sûr. Des trains circulèrent toute la nuit jusqu'à l'extrême limite de la ligne, mais on ne pouvait, en quelques heures, faire revenir les chantiers disséminés sur un territoire de 150 kilomètres. Et le 11, au point du jour, les massacres commencèrent. Ils furent accomplis surtout par les deux tribus des Assassenas et des Harar, exaspérés contre les Espagnols qui vivaient sur leur territoire. Et cependant, sous prétexte de ne point les pousser à la révolte, on a laissé tranquilles ensuite ces tribus qui ont égorgé près de 300 personnes, hommes, femmes et enfants. Des cavaliers arabes trouvés chargés de dépouilles avec des robes de femmes espagnoles sous leurs selles ont été relâchés, dit-on, sous prétexte que les preuves manquaient. Donc, le 10, au soir, Bouamama campait à Tassitirsine, à 22 kilomètres de Saïda. À la même heure, le général Cérès télégraphiait au gouverneur que le chef révolté tentait de repasser dans le sud. Les jours suivants, le hardi marabout pilla les villages de Tafraoua et de Krafalla, changeant tous ses chameaux de butin, emportant la valeur de plusieurs millions en vivres et en marchandises. Il remonta de nouveau à Assitirsine pour reconstituer sa troupe. Puis il divisa son convoi en 2 parties, dont l'une se dirigea vers Aïn Ketifa. Là, elle fut arrêtée et pillée par le goum de Charoui, colonne brunetière. L'autre section, commandée par Bouamama lui-même, se trouvait prise entre la colonne du général Détri, campée à El Maya, et la colonne Malaré, postée près du Creider, à Ksar El Khelifa. Il fallait passer entre les deux, ce qui n'était pas facile. Bouamama envoya alors un parti de cavaliers devant le camp du général Détri, qui le poursuivit, avec toute sa colonne, jusqu'à Aïn Sfissifa, bien au-delà du Chott, persuadé qu'il tenait le marabout devant lui. La ruse avait réussi, la voie était libre. Le lendemain du départ du général, le chef insurgé occupait son camp, c'était le 14 juin. De son côté, le colonel Malaré, au lieu de garder le passage du Creider, s'était campé à Ksar El Khelifa, 4 kilomètres plus loin. Bouamama envoya aussitôt un fort détachement de cavaliers défiler devant le colonel qui se contenta de tirer les 6 coups de canon légendaires. Et pendant ce temps, le convoi de chameaux chargés passait tranquillement le Chott au Creider, seul point où la traversée fut facile. De là, le marabout dut aller mettre ses provisions à l'abri chez les Mogars, sa tribu, à 400 kilomètres au sud de Jériville. D'où viennent, dira-t-on, des faits si précis ? De tout le monde. Ils seront naturellement contestés par l'un sur un point, par l'autre sur un autre point. Je ne puis rien affirmer, n'ayant fait que recueillir les renseignements qui m'ont paru les plus vraisemblables. Il serait d'ailleurs impossible d'obtenir en Algérie un détail certain sur ce qui se passe ou s'est passé à 3 kilomètres du point où l'on se trouve. Quant aux nouvelles militaires, elles semblaient, pendant toute cette campagne, fournies par un mauvais plaisant. Le même jour, Bouamama a été signalé sur 6 points différents par 6 chefs de corps qui croyaient le tenir. Une collection complète des dépêches officielles, avec un petit supplément contenant celles des agences autorisées, constituerait un recueil tout à fait drôle. Certaines dépêches, dont l'invraisemblance était trop évidente, ont d'ailleurs été arrêtées dans les bureaux à Alger. Une caricature spirituelle, faite par un colon, m'a paru expliquer assez bien la situation. Elle représentait un vieux général, gros, galonné, moustachu, debout en face du désert. Il considérait d'un œil perplexe le pays immense, nu et vallonné, dont les limites ne s'apercevaient point. Et il murmurait « Ils sont là, quelque part ». Puis, s'adressant à son officier d'ordonnance, immobile dans son dos, il prononçait d'une voix ferme « Télégraphiez au gouvernement que l'ennemi est devant moi et que je me mets à sa poursuite. » Les seuls renseignements un peu certains qu'on se procurait venaient des prisonniers espagnols échappés à Bouamama. J'ai pu causer, au moyen d'un interprète, avec un de ces hommes, et voici ce qu'il m'a raconté. Il s'appelait Blas Rojo Pellicer. Il conduisait avec des camarades, le 10 juin au soir, un convoi de 7 charrettes, quand ils trouvèrent sur la route d'autres charrettes brisées, et entre les roues, les charretiers massacrés. Un d'eux vivait encore. Ils se mirent à le soigner, mais une troupe d'Arabes se jeta sur eux. Les Espagnols n'avaient qu'un fusil. Ils se rendirent. Ils furent néanmoins massacrés, à l'exception de Blas Rojo, épargné sans doute à cause de sa jeunesse et de sa bonne mine. On sait que les Arabes ne sont point indifférents à la beauté des hommes. On le conduisit au camp où il trouva d'autres prisonniers. À minuit, on tua l'un d'eux sans raison. C'était un homme de mécanique, un de ceux chargés de serrer les freins des charrettes, nommé Domingo. Le lendemain, 11, Blas apprit que d'autres prisonniers avaient été tués dans la nuit. C'était le jour des grands massacres. On resta au même endroit. Puis, le soir, les cavaliers amenèrent 2 femmes et un enfant. Le 12, on leva le camp et on marcha tout le jour. Le 13, au soir, on campait à Dayat Kireb. Le 14, on marchait dans la direction de Ksar Khelifa. C'est le jour de la ferme à l'arrêt. Le prisonnier n'a pas entendu le canon, ce qui laisse supposer que Bouamama a fait défiler un parti de cavaliers seulement devant le corps expéditionnaire français, tandis que le convoi de butin où se trouvait Blas passait le shot quelques kilomètres plus loin, bien à l'abri. Pendant 8 jours, on marcha en zigzag. Une fois arrivés à Tismoulin, les goums dissidents se séparèrent, emmenant chacun ses prisonniers. Bouamama se montra bienveillant pour les prisonniers, surtout pour les femmes, qu'il faisait coucher dans une tente spéciale et garder. Une d'elles, une belle fille de 18 ans, s'unit en route avec un chef Trafi, qui la menaçait de mort si elle résistait. Mais le marabout refusa de consacrer leur union. Blas Rojo fut attaché au service de Bouamama, qu'il ne vit pas cependant. Il ne vit que son fils, qui dirigeait les opérations militaires. Il semblait âgé de 30 ans environ. C'était un grand garçon maigre, brun, pâle, aux yeux larges et qui portait une petite barbe. Il possédait deux chevaux alezans, dont un français qui semble avoir appartenu au commandant Jacquet. Le prisonnier n'a pas eu connaissance de l'affaire du Crayder. Blas Rojo se sauva dans les environs de Basiala, mais, ne connaissant pas bien le pays, il fut forcé de suivre les rivières à sec, et après 3 jours et 3 nuits de marche, il arriva à Maroum. Bouamama avait avec lui 500 cavaliers et 300 fantassins, plus un convoi de chameaux destinés à porter le butin. Pendant 15 jours après les massacres, des trains ont circulé jour et nuit sur la petite ligne du chemin de fer des Chottes. On recueillait à tout moment de misérables Espagnols mutilés, de grandes et belles filles nues, violées et ensanglantées. L'autorité militaire aurait pu, disent tous les habitants de la contrée, éviter cette boucherie avec un peu de prévoyance. Elle n'a pu, dans tous les cas, venir à bout d'une poignée de révoltés. Quelles sont les causes de cette impuissance de nos armes perfectionnées contre les matraques et les mousquets des Arabes? À d'autres de les pénétrer et de les indiquer. Les Arabes, dans tous les cas, ont sur nous un avantage contre lequel nous nous efforçons en vain de lutter. Ils sont les fils du pays. Vivant avec quelques figues et quelques grains de farine, infatigables sous ce climat qui épuise les hommes du Nord, montés sur des chevaux sobres comme eux et comme eux insensibles à la chaleur, ils font en un jour 100 ou 130 kilomètres. N'ayant ni bagages, ni convois, ni provisions à traîner derrière eux, ils se déplacent avec une rapidité surprenante, passent entre 2 colonnes campées pour aller attaquer et piller un village qui se croit en sûreté, disparaissent sans laisser de traces, puis reviennent brusquement alors qu'on les suppose bien loin. Dans la guerre d'Europe, quelle que soit la promptitude de marche d'une armée, elle ne se déplace pas sans qu'on puisse en être informé. La masse des bagages ralentit fatalement les mouvements et indique toujours la route suivie. Un parti arabe, au contraire, ne laisse pas plus de marques de son passage qu'un vol d'oiseau. Ces cavaliers errants vont et viennent autour de nous avec une célérité et des crochets d'hirondelles. Quand ils attaquent, on peut les vaincre, et presque toujours on les bat, malgré leur courage. Mais on ne peut guère les poursuivre, on ne peut jamais les atteindre quand ils fuient. Aussi évitent-ils avec soin les rencontres, et se contentent-ils en général de harceler nos troupes. Ils changent avec impétuosité, au galop furieux de leurs maigres chevaux, arrivant comme une tempête de linge flottant et de poussière. Ils déchargent, tout en galopant, leurs longs fusils damasquinés, puis soudain, décrivant une courbe brusque, s'éloignent, ainsi qu'ils étaient venus, ventre à terre, laissant sur le sol derrière eux, de place en place, un paquet blanc qui s'agite, tombé là comme un oiseau blessé qui aurait du sang sur ses plumes.